Le salon noir. L'actualité archéologique, c'est bien entendu 200 squelettes inhumés au cœur de Paris, sous un des grands temples de la consommation, le Félix Potin de la rue Réaumur. Nous en reparlerons. L'actualité, c'est aussi le feuilleton archéologique de la grotte Chauvet et de son procès qui, dans un ultime épisode, voit aujourd'hui les découvreurs se faire débouter. Une chose est sûre, dans ce Dallas archéologique, gloire, pouvoir et argent s'entremêlent inexorablement. Si Chauvet est désormais patrimoine de l'humanité, que dire de l'iconoclasme guerrier qui sévit au Moyen-Orient? Mon invité a vécu cette expérience, mais avec l'armée rouge, puis les talibans, au cœur de l'Afghanistan. Paul Bernard, bonjour. Bonjour. Archéologue, membre de l'Institut, spécialiste de l'hellénisme oriental, vous venez aujourd'hui nous raconter vos découvertes sur cette extraordinaire cité grecque, Hayranoum, au cœur de l'Asie centrale. Le 25 décembre 1979, l'armée rouge entre en Afghanistan. 100 000 soldats soviétiques occupent désormais le pays. Cela sonne le glas de vos recherches, des recherches commencées en 1964. Paul Bernard ? Oui, en 64, ça a été une prospection préliminaire pour savoir vraiment quel type de site on avait à faire. Et puis, tous les ans, nous avons fait une ou deux campagnes jusqu'en 78, qui a été la dernière année de notre présence sur le site. Alors moi, j'ai souvenir, en 1980, je travaillais dans le laboratoire de l'École normale supérieure d'archéologie, bien sûr, d'arriver de caisses d'Afghanistan, de la délégation archéologique. C'était vos caisses qui rentraient donc rapatriées en quatrième vitesse ? Les archives de la fouille qui rentraient, et bien heureux qu'elles aient pu être rapatriées. Malheureusement, une partie du matériel de la fouille laissé sur place, notamment tout ce qui était fragments d'architecture, qui n'était pas transportable à Kaboul, et même le musée de Kaboul ont été pillés. Par conséquent, il ne reste plus grand-chose, ni de nos trouvailles, ni du site d'Hayranoum, qui a été victime de pillages effrénés et clandestins, bien entendu. Dès les années 1920, la France a joué un rôle capital dans l'archéologie afghane, une sorte de monopole accordé par le roi d'Afghanistan. C'est quand même un petit peu particulier. Oui, mais c'est l'époque où l'Afghanistan s'ouvre à la civilisation moderne et se tourne donc vers l'Europe, triomphante encore à cette époque-là. Naturellement, se tourne vers la France. Ils ne pouvaient pas aller demander l'aide de la Grande-Bretagne, ennemi héréditaire de l'Afghanistan et de la monarchie afghane. Et Angleterre qui avait beaucoup souffert, parce qu'il y a eu des batailles absolument terribles où les Anglais furent massacrés, non ? Les Afghanistans ont brisé toutes les tentatives faites par les Anglais pour conquérir l'Afghanistan. Et la frontière de l'Inde, finalement, a été fixée au Khyber. C'est-à-dire que du Khyber, on voit l'Afghanistan, mais on n'y met pas les pieds encore. Donc la France a le monopole, tout ça peut-être contre la perfide Albion et par la même occasion pour tout le monde. Demander l'assistance de la France pour développer la recherche archéologique en Afghanistan et retrouver leur propre passé, s'adresser à la France, était à cette époque-là une chose tout à fait normale. Aujourd'hui, on se serait peut-être adressé à une autre grande puissance, pas à nous, mais en tout cas... le monopole, je trouve, il était normal dans un pays aussi difficile à contrôler. Les Afghans refusaient d'eux-mêmes de laisser entrer trop de missions étrangères différentes. Et ils s'en sont remis à la nôtre. 1923, un peu d'histoire. Donc 1923, Fouché arrive et commence à tenter de trouver l'antique Bactre, c'est bien ça ? Ce sera difficile pour lui, d'après ce que j'ai compris. Alors, la DAFA, délégation archéologique française en Afghanistan, tel est son nom, le nom de la mission archéologique permanente, dès le début, lorsque même il y avait des débats au Parlement, à Paris, pour savoir s'il était opportun de répondre à la demande des Afghans, d'envoyer une mission permanente là-bas, nous y sommes allés, ou Fouché y est allé, et soutenu par la commission des fouilles, que vous connaissez bien, dans l'intention première de retrouver les traces de cette civilisation grecque d'Asie centrale dont on connaissait l'existence par des bribes d'historiens anciens qui en parlaient. Et ça paraissait tout à fait invraisemblable, mais ça n'est pas si invraisemblable que cela, puisque la Bactriane, c'est-à-dire la vallée de l'Oxus, où se trouvait la ville principale de ce royaume grec d'Asie centrale, faisait partie de ce qui avait été auparavant l'Empire perse. Et donc, en suivant les armées d'Alexandre, on devait tomber pile sur les restes de villes grecques en Bactriane. Alors, notre sujet est surtout centré sur Aeranum, votre site, qui aurait été trouvé simplement lors d'une partie de chasse royale. Oui, cela est vrai. Le roi avait l'habitude d'aller chasser sur les bords de l'Oxus, qui sont très giboyeux. On lui a montré un chapiteau qui avait été trouvé tout près d'un hameau, le hameau qui s'appelle Aeranum, et qui a donné son nom au site, car Aeranum n'est que le nom moderne du site d'une ville ancienne fondée, non pas par Alexandre, par l'un de ses successeurs immédiats, probablement c'est le Kos Ier, nous ignorons le véritable nom de la ville ancienne, sauf à la fin de son existence, lorsque la ville a été refondée, sous le nom de Eucratideia, par le dernier grand roi de la dynastie gréco-bactrienne, Eucratide, qui en avait fait sa capitale. Donc, lors de cette partie de chasse, on découvre une sorte de chapiteau. Un chapiteau dont la photographie est envoyée immédiatement à Daniel Schulmerger, qui était à ce moment-là le directeur de la mission archéologique française à Kaboul, mais qui était professeur à Strasbourg. Et il me racontait souvent combien cette photo lui était tombée des mains lorsqu'il avait ouvert l'enveloppe. Tout simplement, il avait sous les yeux la photo d'un chapiteau corinthien, c'est-à-dire avec une corbeille de feuillage, de type parfaitement grec. C'était la première fois qu'on trouvait ça en Afghanistan. C'était la preuve qu'il y avait une colonne tout entière en pierre, car c'était une pièce énorme qui fait plus d'un mètre de haut, qui suppose un support entièrement en pierre, alors que jusque-là, on ne connaissait de colonne qu'en bois dans les édifices d'Afghanistan de toute époque. Et s'il y avait cette colonne-là, il y en avait d'autres autour, et il y avait donc une ville grecque. Il ne se trompait pas en allant sur l'endroit qu'on connaissait fort bien, d'où provenait ce chapiteau. Nous avons découvert avec lui une ville grecque, la ville à laquelle nous avons donné le nom du petit village qui était à côté et dont, évidemment, les hommes étaient devenus nos ouvriers. Donc la découverte d'Aeranum est vraiment capitale. C'est la preuve tangible de la présence grecque et matérielle dans cette partie du monde. Ah, ça c'est absolument certain. Dès que nous sommes arrivés, nous nous sommes précipités où vont en général les archéologues, c'est-à-dire près des remparts, qui sont l'équivalent de nos rebuts, de nos endroits où nous jetons les détritus. Et en fouillant dans les détritus, au bout d'une demi-heure, nous avions ramassé suffisamment de céramique de type grec, je ne dis pas grec, car toute la céramique est locale, mais imite notamment les vases grecs. Donc, au bout d'une demi-heure, nous savions que nous étions sur l'emplacement d'une ville grecque dont la céramique était grecque et qui avait quelque part un monument de grande taille dont les colonnes étaient grecques également. Vous avez commencé cette découverte, elle date d'à peu près 1963. Vous avez immédiatement commencé les fouilles ? Alors, nous avons fait une prospection préliminaire avec Daniel Schomberger et quelques autres archéologues qui travaillaient à ce moment-là en Afghanistan. Et je dois dire que le relevé qui a été fait du site à ce moment-là par l'architecte qui nous accompagnait, c'était donc en 64. Ce qu'il a dessiné sur sa planche à dessin, c'est l'endroit exact des monuments dont nous avons supposé l'existence dès ce moment et que nous avons retrouvé quand nous nous sommes mis à fouiller effectivement, c'est-à-dire un théâtre, c'est-à-dire un palais, c'est-à-dire un temple, c'est-à-dire des remparts et bien d'autres choses encore. Paul Bernard, pourquoi fonder une telle ville en plein cœur de l'Asie centrale ? C'est folie, quelque part. Effectivement, cette ville, par rapport à la Bactrie en elle-même, c'est-à-dire la vallée du Moyen-Oxus, qui est le grand fleuve nourricier de l'Asie centrale, n'est pas au cœur de la Bactriane, elle est sur les extrémités orientales de la province de Bactriane. Mais est près du Tadjikistan, d'après ce que j'ai découvert. C'est en face du Tadjikistan. Mais le Tadjikistan s'étend vers Bactre, beaucoup plus en aval encore. Mais on voit très bien que cet endroit a été choisi par les Grecs pour être évidemment le siège d'une grande ville, mais aussi pour être une sorte de Verdun dans un endroit stratégique qui défendait la frontière orientale de la Bactriane, toujours exposée aux raids de nomades, et qui finiront d'ailleurs par chasser les Grecs de la Bactriane et les remplacer en Bactriane, et y compris au sud de l'Hindoukouch. Alors, qui sont les premiers colons ? On peut penser vraiment à des, par exemple, des Macédoniens ? On connaît d'ailleurs la date de la création de la ville ? Non, nous ne connaissons pas la date exacte de la fondation de la ville. Alexandre y est peut-être passé, mais ça n'est probablement pas une Alexandrie. La véritable fondation de la ville date d'un peu plus tard de cet homme dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est Leucos Ier qui succède en quelque sorte à Alexandre dans ces régions dont l'empire s'étend depuis Beyrouth jusqu'à Lahore, c'est-à-dire l'empire séleucide. Et qui a été créé, donc, entre des empires comme des royaumes, comme le royaume de Pergame et le royaume d'Égypte. Nous sommes là sur un point stratégique et en même temps, il y a une riche vallée qui est susceptible de nourrir une grande ville. Et d'après une théorie nouvelle qui date d'une quinzaine d'années, et d'après l'étude des monnaies, il semble même que la ville d'Aïranoum ait à ses débuts, pendant presque plus de 50 ans, été la capitale officielle de la Bactriane, ce que nous croyons, alors que nous avions cru que ce rôle était joué par la ville de Bactre. La cité se compose d'une ville haute, mais aussi d'une ville basse, avec son immense palais, un sanctuaire, avec son temple monumental, un gymnase, un théâtre. On est sur une vraie ville grecque. Alors, bon, évidemment, vos auditeurs pourront s'étonner quand une quinzaine de campagnes de fouilles, nous ayons pu découvrir autant de constructions et de monuments. Il faut dire que nous avons eu, l'histoire nous a beaucoup favorisé, car il se trouve que nous sommes aperçus très vite que la couche, la période grecque sur le site n'était précédée de rien d'autre que ce qui était grec, et n'avait été suivi de rien d'autre non plus. Autrement dit, on est là sur un site dont la, les premières constructions grecques sont sur le sol vierge et dont les dernières couches grecques n'ont pas été recouvertes par des couches postérieures. Donc la fouille a pu aller très vite, ce qui explique que nous ayons pu, d'une part, identifier et fouiller le plan général d'un grand nombre d'édifices, y compris d'un arsenal, ce qui est très rare dans les fouilles, parce qu'on ne vise pas l'arsenal, on ne sait pas où il est en général. Et là, il se trouve que nous l'avons décelé très rapidement, parce qu'il nous restait une saison de fouilles. Vous avez même trouvé une très très belle fontaine avec des masques. On a même trouvé une fontaine, le long de l'Oxus. Je me permets de faire remarquer que la fontaine fait partie des attributs d'une vraie ville grecque. Une ville grecque, ça doit avoir un gymnase et ça doit avoir une fontaine et des magistrats. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Paul Bernard, la ville grecque perdure environ 150 ans. Pourquoi s'effondre-t-elle réellement ? Elle s'effondre parce que la Bactriane a été un peu victime de son succès, c'est-à-dire que les rois de Bactriane, forts de leur puissance et de l'indépendance qu'ils avaient conquise par rapport à la monarchie séleucide fondée par Séleucos Ier, qui est à l'origine de la naissance et de la fondation de la ville, ces rois gréco-bactriens indépendants ont étendu le pouvoir dont ils disposaient sur les pays qui se trouvent au sud de l'Hindoukouche, c'est-à-dire sur la région de Kaboul, sur la région de Peshawar, sur la région de Taxila. Et l'empire s'est étendu et devient de plus en plus difficile à contrôler. Il y a d'ailleurs des royautés, des rois qui ne règnent que sur la partie sud de l'ensemble des territoires grecs et d'autres qui se limitent à régner sur la partie nord et d'autres qui sont assez puissants pour régner sur les deux. Paul Bernard, dans les temples, les Grecs, bien sûr, adorent Zeus, mais curieusement, aussi Mitra, une sorte de syncrétisme religieux entre Orient et Occident. Bon, il faut bien voir que l'élément grec dans la population était minoritaire et certainement très minoritaire. Et qu'avec le temps, évidemment, à la fois les mariages mixtes et aussi l'accroissement de la population locale d'origine bactrienne, c'est-à-dire de langue iranienne, ce qu'on appelle le bactrien, qui est une des langues de la famille des langues iraniennes, ces gens-là devaient fatalement peu à peu prendre le dessus sur la population grecque. Donc de moins en moins de Grecs et de plus en plus de mariages mixtes. D'autant que les Grecs ont coopéré avec l'élite de la population locale. C'est les fameux mariages orchestrés par Alexandre. C'est les mariages de Suse, mais Suse n'est pas en Bactriane, d'Alexandre et de ses généraux avec des femmes, des orientales. Mais il faut bien voir que, surtout, il y avait, à la limite nord de l'Empire gréco-bactrien, des nomades chassés par d'autres nomades du Turkestan chinois qui sont venus se jeter sur les riches plaines de l'Asie centrale intérieure. Et nous le savons parce que, par un témoignage chinois, d'ailleurs, c'est un ambassadeur chinois, Chang Qing, qui a laissé des souvenirs dans les annales chinoises qu'on a retrouvées, qu'on connaît très bien. Il avait été envoyé par l'empereur Wuti, et il est en Bactriane, exactement en 128 de notre ère, et il décrit sommairement, mais suffisamment pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, un pays où il n'y a plus de royauté et où l'autorité est fragmentée entre des petits chefs qui sont enfermés dans leur ville et leur petite principauté. Et donc, nous savons qu'à partir de... déjà, en 128, les nomades qui font partie d'un clan qui s'appelle les Uechi, ont conquis la Bactriane sur les colons grecs. Je rappelle pour les auditeurs du Salon d'Art de France Culture que vous êtes Paul Bernard, archéologue, membre de l'Institut, spécialiste de l'hellénisme oriental, que vous venez aujourd'hui nous raconter vos extraordinaires découvertes de cette cité grecque à Iranoum, bien sûr, au cœur de l'Asie centrale, en Afghanistan. La statuaire que vous avez trouvée ferait preuve d'un certain classicisme attardé ? Oui, ce que l'on constate... c'est que les statues que nous avons trouvées, sauf exception, des statues de moyenne dimension, ce qu'on dirait de la sculpture d'intérieur, en quelque sorte, des bibelots ou bien des offrandes dans les sanctuaires, mais pas de grandes statues grandeur nature. Sauf l'une, d'ailleurs, qui était la statue de culte du temple principal de la ville, mais qui est très mutilée. Et dont vous avez retrouvé un pied, c'est ça ? Dont l'identification, oui, continue d'alimenter les controverses. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement... toute cette sculpture qui est soit en pierre, soit en argile crue, ce qui suppose que c'était des statues d'intérieur abritées, des modelages en argile crue mais séchée, sont très loin de ce qui se passe à la même époque dans le monde grec, où on est en pleine époque hellénistique, c'est-à-dire la période de la plus grande créativité de l'art grec, à mon goût, et de beaucoup de gens aussi, de beaucoup de spécialistes, qu'est connue la Grèce. Vous n'avez qu'à penser à Pergame. Voilà, c'est une excellente illustration de ce qu'a été l'art hellénistique. Vous comparez ça au Parthénon. Le Parthénon a sa beauté, ça n'est pas la même. Et surtout, Pergame est autre. On a fait encore autre chose que le Parthénon. Alors, peu de documents épigraphiques ont été découverts en Asie centrale. Il nous faut parler de cette découverte exceptionnelle, extraordinaire, beaucoup de superlatifs, faite donc à Iranoum, une sorte de décalcomanie. Oui, vous pensez à la découverte d'un papyrus dit philosophique, parce que... j'allais dire une page, mais dans les papyrus de l'époque, il n'y a pas de page, puisque ce sont des rouleaux. Mais une section d'un rouleau qui représentait une œuvre philosophique, il se trouve qu'une de ces sections, qui fait à peu près 50 cm de haut, du rouleau, s'est trouvée conservée en pleine terre par un phénomène de décalcomanie. C'est-à-dire que l'encre... s'est décalcomanié, le manuscrit était tombé à plat, et l'encre s'est décalcomanié sur la poussière de décomposition des briques, c'est-à-dire une argile très très fine. Et ce que nous avons trouvé, c'est sur les fragments d'argile qui représentaient... qui étaient le résultat de la décomposition des murs de briques crues, la décalcomanie d'une page, entre guillemets, de ce texte philosophique qui parle des idées de Platon, du principe premier de ces idées qui, selon la théorie platonicienne combattue en partie par Aristote, représente l'idée même du réel. Derrière chaque chose, il y a son idée, c'est-à-dire sa conception. Oui, ce texte évoque les choses sensibles et les idées, c'est ça ? Tout à fait. Alors, il est tout à fait extraordinaire de trouver ce que la pensée grecque a eu de plus purement grec, de ce que l'on fait de mieux, j'allais dire, en matière de philosophie, un texte qu'il soit de Platon ou d'Aristote, puisque on ne sait pas... On l'attribue généralement à Aristote ? On l'attribue à Aristote, mais tout le monde n'est pas d'accord. Bon, mais peu importe, il s'agit de la théorie des idées, qui est un... un des piliers de la philosophie grecque. Il n'y a pas, que ces deux grands philosophes qui s'y sont intéressés, d'ailleurs. Ce que nous avons, en fait, c'est une ombre. Ce papyrus n'existe plus. C'est sa photographie qui est conservée dans la terre des décombres. Et c'est là où l'archéologie découvre des textes absolument et fait des découvertes absolument extraordinaires. C'est une découverte, une des plus importantes peut-être de la deuxième moitié du XXe siècle. En tout cas, elle prouve, ceci a été, ce fragment de papyrus, sa décalcomanie, son fantôme a été découvert dans la bibliothèque du palais. C'est-à-dire que les rois d'Afghanistan, et au moins le dernier dont on connaît le nom à Hiranum, Eucratide, tenait à avoir une bibliothèque remplie d'ouvrages et pas uniquement de romans un peu légers, comme il s'en faisait beaucoup à Alexandrie, mais de véritables textes philosophiques qui représentaient l'essence même de la pensée philosophique grecque. Et évidemment, la culture, pour ces rois grecs, faisait partie de leur prestige et de leur pouvoir. Ça a dû être une émotion extraordinaire sur le terrain. Oui et non, car évidemment, nous ne savions pas ce que ce texte représentait. Nous ne pouvions pas le lire à l'époque. Il a fallu que plusieurs spécialistes, dont Claude Rapin, qui avait trouvé fait la trouvaille, l'étudie après, sur la motte de terre que nous avions extraite en la découpant dans le sol de la terre et en la consolidant. Et tout ceci a disparu dans le pillage du musée de Kaboul. Paul Bernard, comment des textes d'Aristote ou de Platon ont-ils pu parvenir jusqu'en Afghanistan? Est-ce que l'on verrait une filiation? Est-ce qu'il y aura eu, par exemple, des disciples? Des disciples? Oh, écoutez, les rois hellénistiques étaient des protecteurs des beaux-arts, des hommes de lettres. Chacun avait sa cour, y compris avec les grands esprits de son temps, ont tous été protégés par les rois. Et l'on voit que les Grecs d'Aïkhanoum, les rois d'Aïkhanoum, étaient de vrais rois grecs, hellénistiques. Ils ont eu aussi... Ils n'ont pas eu peur de faire appel des textes philosophiques. Et on a même découvert à côté un texte qui est celui d'une comédie, un fragment toujours. Et ils ont donc fait appel à ce que la culture grecque avait de meilleur à l'époque. En 30 secondes, Paul Bernard, Hiranum est désormais un site martyr, totalement pillé. Il ne reste rien du site d'Hiranum, ce que nous n'avions pas trouvé. Personne ne le trouvera car cela n'existe plus. Et je dois dire que c'est personnellement, pour moi bien entendu, une immense souffrance de voir cette ville entière disparaître sous l'effet des pillages inconsidérés. Nous savons que même les musées ne sont plus à l'abri d'aujourd'hui et hélas, nous en avons un exemple tout récent encore en Irak avec le musée de Mossoul. Paul Bernard, merci beaucoup. La semaine prochaine, Jean Guilaine nous parlera du néolithique, ces périodes qui nous fit basculer dans l'économie de production, dans l'émergence du travail. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Stéphane Poitevin, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.